Mais je ne savais pas que notre sangha de Bruxelles allait me kidnapper. Et c'est pour mon bonheur. Surtout, ne faites pas de soucis, c'est pour moi toujours un très très grand bonheur d'être avec vous. Et quand je suis arrivée, je vous avoue, j'étais un peu fatiguée. Et quand j'ai ressenti ces vagues de reconnaissance, de gentillesse et d'amour, ça m'a donné une forme formidable pour ce soir. Donc, soyez vraiment remerciés. Tout à l'heure, dans la voiture, où nous étions avec Laurent, j'ai reçu un appel téléphonique de notre chauffagiste. Alors, vous allez vous dire, mais où elle va partir, mais que va-t-elle nous raconter? Eh bien, ce chauffagiste m'a dit, mais vous êtes à Bruxelles. Mais j'habitais pas loin de Bruxelles et je venais toujours, quand j'étais petit, je venais au moins une fois tous les 15 jours et on se promenait à Bruxelles. Ils sont adorables, les Belges. Sœur Yacni, sœur Elisabeth. Ils sont gentils, ils sont intelligents, ils sont gentils, ils sont doux. J'ai dit, mais je suis d'accord avec vous. Il prêchait une convaincue, donc... Mais j'étais tellement contente, c'est vrai, hein, Laurent. J'étais tellement contente d'entendre ça. Ça veut dire que vous avez des qualités particulières. Vous avez des qualités particulières. Pas seulement les personnes qui sont dans cette pièce, mais c'est plus vaste. Hein, c'est plus vaste. Donc, pour nous, c'est un grand bonheur. Avant de commencer les questions-réponses, je vais vous donner un tout petit peu des nouvelles de notre Thaï. Il est en Thaïlande. Alors, il est parti en Thaïlande sur sa propre volonté, c'est sa propre décision, très ferme, parce que tout le monde voulait lui épargner ce voyage de peur qu'il lui arrive quelque chose parce qu'il est âgé 90 ans et qu'il a une hémiplégie. Donc tout le monde avait peur qu'il lui arrive quelque chose, mais notre maître a bien voulu y aller, bien fait comprendre. Et il voulait y être, je le dis parce que j'ai entendu des rumeurs qui étaient très diverses. Notre maître voulait y être pour transmettre les grands préceptes, pour les grandes ordinations, au lieu que ce soit fait en France. Cette année, ça s'est fait en Thaïlande, dans le monastère de Thaïlande, où il y a de nombreux moines moniales. Et pour notre maître, c'est pour beaucoup de choses, c'est parfait. Le corps a de la chaleur, donc la spasticité diminue beaucoup, donc moins de souffrance dans le corps. Et puis, il s'est retrouvé avec des nouveaux enfants qu'il allait ordonner complètement, pleinement. Et ces jeunes, on ne peut pas les faire venir en France, ça coûte beaucoup trop cher les voyages. Donc, le maître s'est déplacé pour offrir sa présence. Et puis en plus, tous les enfants qui ne peuvent pas se déplacer, qui habitent Hong Kong, qui habitent en Indonésie, qui habitent en Malaisie, qui habitent au Vietnam, qui habitent dans toutes ces zones d'Extrême-Orient, ne peuvent pas se déplacer pour voir Thaï. Donc tout le monde s'est réuni pour le rencontrer. Donc c'est une très grande fête qui s'est passée là-bas, une très grande fête. Et pour notre maître, c'était beaucoup de bonheur. Et pour transmettre les grands préceptes, je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes pour vous de connaître. Pour transmettre les grands préceptes, il faut qu'il y ait une énergie spirituelle extrêmement forte. Et pour ce faire, il faut des grands vénérables qui ont 60 ans, 70 ans de pratique. Et qui se réunissent pour être là et respirer en toute pleine conscience et transmettre leur mérite à tous ces jeunes qui viennent, plus ou moins jeunes, qui viennent se faire ordonner. Voilà. Donc, en plus, tous les amis de Thaï ont pu traverser la frontière facilement, hein, ont pu se rendre en Thaïlande, pas prendre l'avion, rencontrer tout ça, toutes les difficultés financières et puis... de fatigue, parce que ce sont des personnes qui sont âgées. Donc, c'est beaucoup de bonheur là-bas sur la planète, un petit peu plus loin là-bas, vers l'Est. Mmh. Hein? Voilà, je voulais vous donner ces nouvelles. Sœur Chankong reviendra pour la retraite francophone, mais pas à Thaï. Il va rester encore, je ne sais pas jusqu'à quand, mais il va rester encore là-bas. C'est important pour lui, c'est important pour... l'énergie, pour apporter de l'énergie très forte dans ces petits endroits, et pour que ces jeunes qui deviennent moines et moniales puissent rencontrer leur maître encore vivant, hein, puissent l'approcher encore vivant. Vous êtes mal placé, vous allez avoir un torticolis, c'est sûr. Vous voulez que je me déplace un peu? Non? Ça va? Moi, je peux me déplacer. Un petit peu? Regarde. Je vais me déplacer aussi un petit peu. Voilà, regardez. Ça va aller mieux? Très simple. Hein? C'est important. Merci. Voilà. Merci. Donc, je ne savais pas si j'allais vous offrir un enseignement ou une question-réponse, et mon petit doigt gauche m'a dit, c'est-à-dire pas moi, mais mon petit doigt gauche m'a dit que vous souhaitiez des questions-réponses. Alors je suis complètement à votre disposition pour répondre à vos questions, en sachant que vous êtes tous des pratiquants et des pratiquantes, et que c'est très facile de pouvoir partager avec vous le Dharma dans cette mesure où vous avez déjà une bonne base. Je connais plein de visages ici. Je me sens en famille. C'est très agréable. Donc j'attends les questions si vous en avez. Je vous rends la parole. Hein. Cher Thaï, cher Sangha, ma question était, je vous la repose la question, quelle est la spiritualité dans la tenue que nous portons comme laïque, mais aussi comme monastique. Est-ce que tu veux reparler de la robe pour qu'ils comprennent? Bon. Ça vient à la fin d'une conversation et je lui ai dit je réponds pas à cette question, il faudra me la poser plus tard. Donc elle est courageuse, elle l'a posée tout de suite. Notre amie parlait des vêtements qu'on porte, comme la veste de l'intérêt par exemple, ou bien au village il y a aussi des robes grises. Vous avez vu des personnes avec des robes grises? Souvent, ce sont des personnes qui sont asiatiques, qui achètent des robes grises et qui les portent pour venir dans la salle de méditation. Comme toi. Hein? Voilà. Et c'est un... Comment dire? Dans notre tradition, bon, celle-ci, vous en connaissez le sens. Elle représente... la prise des entraînements, des 14 entraînements à la pleine conscience, qui représente en fait le chemin du bodhisattva, le chemin de celui ou celle qui veut vraiment transformer sa vie et être vraiment complètement au service des autres personnes autour de soi et même plus loin. Mais nous sommes tous des bodhisattvas à nos dimensions, dans notre vie quotidienne. Nous sommes tous plus ou moins des bodhisattvas. Bon, je veux dire, c'est comme les fleurs dans le jardin en ce moment. Il y a des tulipes qui ne sont pas encore complètement écloses, mais on les voit. Voilà, on est comme ça. Comme une fleur, comme une tulipe. Si vous n'aimez pas les tulipes, choisissez autre chose. D'accord ? Et prêt à s'éclore, prêt à éclore. Ce sont les causes et les conditions qui vont faire que ça va éclore ou pas. Hein, tout de suite ou pas. Pas tout de suite. Donc, je me souviens que, en tant que laïque, quand j'ai reçu ma veste, je la pliais et avant de la mettre, là, je l'ai fait vite, je suis désolée, petite sœur, je ne t'ai pas fait voir un bon exemple, mais ça ne fait rien. J'explique maintenant, parce que tout le monde était en silence déjà. Donc, je la prenais, je la portais à mon front et je récitais ce que les moines et les moniales récitaient avant de mettre leur robe sangati. pour moi, c'était ma robe Sanghati. C'était mon engagement. Alors, c'était à peu près ça. Je portais ma robe pliée, bien belle, bien pliée, ma veste, bien pliée, et je récitais comme ça. Oh, quelle est merveilleuse cette veste de l'inter-être. C'est le champ de tous les mérites. Je fais le vœu de la porter vie après vie, d'apporter la joie et de servir tous les êtres avec amour. Voilà. Et après, quand je l'enfilais, évidemment, ça a un autre goût que comme on enfile un pullover. Vous comprenez ? Ça a un sens profond. Et notre maître nous dit, quand vous mettez votre veste brune, vous enfilez taille. Vous vous habillez de taille. Vous vous habillez de sa détermination à transformer le monde. Vous vous habillez de son élan d'amour pour les êtres. Alors la jolie petite robe grise, en fait, c'est pour se présenter avec une robe qui n'est réservée qu'à cet usage, l'usage de la méditation. Toute la journée, on est habillé autrement, mais on va dans la salle de méditation. Alors, on enfile sa robe, mais avec beaucoup de respect. On enfile sa robe, on la déplie et on l'enfile avec beaucoup de respect. Et on l'attache avec en pleine conscience, en respirant bien paisiblement. Et après, on rentre dans la salle de méditation et on s'assoit pour méditer. Voilà. C'est ce que tu voulais savoir, petite sœur ? Plus encore ? Non, c'est bon. Voilà. Vous voyez, c'est facile de poser une question. Catherine. D'abord, je voulais te dire que je t'aime et que je sais que tu sais que je t'aime et tu m'aimes et je sais que tu m'aimes. J'atteste, c'est vrai. Et que c'est merveilleux de t'avoir croisé. Je voulais partager que je n'avais plus parlé avec ma sœur depuis 7 ans. Et que voilà une quinzaine de jours, on a repris contact et on s'est parlé. Et c'était extraordinaire parce que j'ai pu voir quelque chose qui avait profondément changé en moi, qui était la découverte du témoin conscient. De voir que Catherine, en tant que personnalité, pouvait repartir comme en 40 et repartir dans les sillons de son mental et recommencer à ressasser dans la rancœur, dans la colère. Et le fait d'avoir ce témoin conscient qui pouvait regarder cette personnalité, Catherine, et les différentes positions où je pouvais. Et que ce qui comptait pour moi, c'était de... Qu'est-ce que je voulais vivre, en fait? Qu'est-ce que je voulais ressentir comme émotion et comme sentiment? Et ce qui était évident, c'est que je voulais ressentir la joie, l'ouverture, l'amour, le partage. Et ça a été génial de vivre ça, voilà. De voir que tout pouvait être comme avant et que ça dépendait où je mettais le curseur, en fait. Si j'allais plus dans la personnalité, le machin, etc., ou bien s'il y avait cette ouverture du cœur comme ça qui englobait et qui n'attendait rien. Voilà. Et ma question, c'était par rapport au village. Dans la tradition de Thaï, c'est quoi le témoin conscient? Cet endroit de paix qui peut regarder comme ça. C'est la pleine conscience. C'est la pleine conscience. La pleine conscience, elle est neutre. La pleine conscience, elle se place comme complètement neutre. Elle est là pour juste voir, regarder en profondeur, sans juger ni réagir. Et la pleine conscience, lorsqu'elle est développée vraiment très bien, elle est capable de voir ces deux chemins qu'on a en nous. ces vieilles ornières dans lesquelles c'est facile de repartir, et les autres, le choix d'un autre chemin, celui de l'ouverture du cœur. Et pour ça, c'est ce qu'on appelle une vision profonde. Ce que tu as touché, c'est prajna. Prajna. Alors, la pleine conscience, on la développe de façon à approfondir son regard. Donc, on va la développer par des petites choses quotidiennes dans tous les moments de la journée, avec nos pas, avec notre respiration, avec le mala. Moi, je me sers énormément du mala. Je vous le conseille. Hein. C'est tellement merveilleux, ça. C'est merveilleux. Un instrument merveilleux. Avec le mala, avec... c'est ça. Avec la présence du souffle, hein. Avec l'arrêt. L'arrêt qu'on pratique tout le temps. Hein. Donc, quand on se trouve dans une situation difficile, dans laquelle... tu as pu rencontrer ta sœur avec peut-être l'appréhension de ce qui pouvait se faire. Tu as développé l'arrêt, c'est-à-dire tu t'es arrêté, et le témoin, c'est-à-dire le contemplateur, celui qui sait que je peux choisir enfer ou paradis, et ça dépend que de ma voix, de ma volonté, de choisir l'enfer. Il y a une très jolie chanson du village hein, là-dessus. Enfer ou paradis, je les connais tous les deux, je choisis où je veux aller. Et à part ça, ça ne peut pas être atteint sans la pleine conscience. S'il n'y a pas la pleine conscience, on va se laisser réembarquer au bout de quelques minutes dans nos habitudes d'énergie. Alors que la pleine conscience va nous arrêter et va nous permettre de réajuster notre regard et de dire oui, bien sûr, il y a ce chemin-là. Mais oui, il y a aussi la possibilité que cette personne... je lui offre la possibilité de se transformer, de transformer notre relation. Si je ne rentre pas dans mes ornières, je lui offre la possibilité, et je m'offre la possibilité, mais nous offrons la possibilité de changer notre relation. D'accord ? Tu comprends ? Alors, il y a la pleine conscience, il y a la concentration, et c'est très, très important de développer notre concentration. Et c'est dans cette concentration que va pouvoir naître cette sagesse qu'on appelle prajna, et qui va être comme... j'ai une image là. Comme des algues à la surface de l'eau. Et on écarterait les algues et on pourrait voir avec le soleil l'eau transparente et les cailloux qui sont au fond, les petits poissons, les écrevisses, je ne sais pas. Le monde vivant de l'eau. Tu vois ? Et la pratique que tu as eue, ce que tu appelles le témoin, c'était cette capacité à ne pas t'engager émotionnellement parlant dans cette rencontre qui pouvait normalement pouvoir peut-être échouer si c'était mal engagé, et d'avoir pu garder ce personnage qui est vraiment illusoire, hein, mais qui était là, cette vision profonde a pu naître. Et ce choix a pu se faire, et c'est une réussite. Prajna, c'est la sagesse. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Oui, je peux rajouter. Dis-moi. Quel est le lien aussi avec le chakra du cœur, avec le cœur ? Parce que je sens, tu vois, je sens quand ça chauffe, que ça c'est ouvert ou que ça se ferme. Tu vois, c'est vraiment... Quel rapport tu fais justement entre la pleine conscience et ce chakra du cœur ? S'il n'y avait pas de pleine conscience, tu ne sentirais rien du tout. Tu es obligé d'être en pleine conscience. Le chakra du cœur, il existe pour tout le monde. C'est juste une zone d'énergie. C'est rien d'extraordinaire. C'est pas parapsy, machin chose. C'est juste l'énergie. L'énergie qui se situe dans ces... dans ces zones, si tu regardes sur le plan nerveux, tu as le plexus solaire, tu as le plexus cardiaque, tu as des zones où il y a des nerfs qui se rencontrent comme ça et qui repartent. Donc il y a bien de l'énergie qui est là. Hein. Et cette énergie, pardon, je ne vais pas jouer avec ça. Donc cette énergie, si on n'y fait pas attention, mais on ne la sent pas. Par contre, si nous attirons notre attention sur notre respiration au niveau de la poitrine et sur notre, la conscience de ce qui se passe dans notre poitrine, on va être en contact avec nos émotions d'une autre manière. Et on verra, par exemple, quand on écoute quelqu'un qui nous parle et qui parle de sa tristesse, on peut avoir des larmes aux yeux, d'accord ? On peut avoir la gorge serrée, je crois la parole, l'expression. On peut avoir le cœur serré, vous avez entendu l'expression, le cœur serré. J'ai le cœur serré, mais on peut aussi ressentir le contraire, c'est-à-dire une ouverture, une dilatation, un bien-être. Et quand ça se ferme, c'est froid, et quand ça s'ouvre, c'est chaud. Tu me comprends ? Voilà. Et donc, c'est magnifique. Plus vous allez devenir conscient de votre corps, plus vous allez être sensible à ce qui se passe à l'intérieur. Mais ça, c'est pour tout le monde. Hein. Et quand vous développez ces capacités, quand vous écoutez quelqu'un qui parle, délibérément, ouvrir la poitrine, laisser la respiration, le cœur va être plus libéré et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et quand vous sentez, quand il y a quelqu'un qui pleure ou qui souffre à vos côtés et que vous sentez votre cœur se fermer, ouvrez la porte. Alors, on fait le contraire. Je sens mon cœur qui se ferme. C'est parce qu'elle souffre qu'il souffre. C'est un écho, ça s'appelle l'inter-être. Tout le monde a entendu parler de l'inter-être et de la compassion. Tout le monde a entendu ça. Eh bien, c'est ça, c'est la compassion. Alors, pourquoi on reste fermé ? Vous comprenez ? Si je m'ouvre et si j'y mets de la joie, même si la personne pleure, c'est comme si je lui offrais une fleur de cœur. Je lui offre mon énergie de joie. Est-ce que vous me comprenez ? Je ne vais pas la laisser pleurer comme ça 24 heures sur 24, c'est pas possible quand même. Je peux faire quelque chose. Alors, je compatis, mais je peux aussi lui offrir ça. Et il y a une très belle chanson que vous connaissez peut-être. Je pleure tes larmes, sens-tu ma douleur. Je pleure tes larmes, sens-tu ma douleur. L'intérêt remplit mon cœur, l'intérêt remplit mon cœur. Et la paix, et la paix, murmure un chant nouveau. Je ris ta joie, sens-tu mon bonheur. Je ris ta joie, sens-tu mon bonheur. L'intérêt remplit mon cœur, l'intérêt remplit mon cœur. Et la paix, murmure un chant nouveau. Vous l'avez tous exploré dans votre vie. Quand quelqu'un rit, vous êtes entraîné dans son rire. Quand quelqu'un pleure, voilà. Mais au lieu d'en rester là, on peut offrir son bonheur à quelqu'un qui souffre. Pas en éclatant de rire, en faisant n'importe quoi, mais au niveau du cœur, être concentré, respirer la respiration abdominale pour l'enracinement, d'accord ? La concentration dans l'abdomen. Et en haut, là, ça, c'est la racine de l'iris. Et il y a un iris qui s'ouvre et qu'on offre. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? C'est clair ? C'est vraiment trop... un petit peu compliqué, non ? Vous pouvez comprendre ? Hein, voilà, c'est notre pratique. C'est notre pratique et notre maître nous dit « Mais pourquoi laissons-nous notre enfant intérieur hurler de désespoir sans jamais le secourir ?» Ça fait des années qu'on lui dit « Arrête, tu m'embêtes, tu vois pas que tu pleures. Laisse-moi tranquille, je vais aller regarder la télévision, je vais téléphoner à un ami, on va sortir manger quelque chose avec... » C'est notre habitude. Et notre maître nous reprend là-dessus et il nous dit « Quand nous sentons cette souffrance en nous qui monte, hein, on doit en prendre soin tout de suite. » C'est-à-dire s'arrêter, retourner à sa respiration, reconnaître et pointer, voilà ma tristesse, ma jalousie, ma colère, l'embrasser, le garder avec son souffle. Quand on dit embrasser, ça veut dire prendre en entier. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent dire « Oh, non, mais embrasser, c'est pas rigolo. » Non, prendre en entier. Vous comprenez ? On peut embrasser comme ça. Et ça marche très bien. Mais si ça, ça vous gêne, les messieurs, quelquefois, ça les gêne. Hein ? Alors, on peut embrasser, ça veut dire, avec la conscience, la pleine conscience, prendre complètement la souffrance. Ne pas laisser les petits bouts s'éparpiller. Voilà, la prendre complètement et la tenir devant soi, en respirant seulement, elle va forcément s'atténuer puisque on va dériver notre attention, on va lâcher prise de notre attention sur cette souffrance pour tout le temps la gardant quand même et en la posant, notre pleine conscience, notre concentration sur le souffle. Et c'est le souffle qui va aider cette énergie qui a été reconnue et donc a perdu une partie de sa force de redescendre naturellement dans l'alaya, dans les, dans la conscience profonde, la conscience du tréfond. D'accord ? Et quelquefois, il y a, à ce moment-là, si ça a été fait correctement, il y a une compréhension profonde. Ah mais oui, mais j'ai encore pensé à ça toute la journée, c'est pas étonnant que je sois dans cet état ce soir, par exemple. Et ça, c'est prajna, la vision profonde. Hein ? C'est clair ? Ça va ? Ça arrose les bonnes graines ? Merci Catherine. Vous savez, les chansons du village, elles ont l'air bébêtes comme ça. Vous y fiez pas. Ne vous y fiez pas. Les gâtards, ils ont l'air un peu... non, mais sans blague. Ne vous y fiez pas. Ce sont des chemins extrêmement profonds de méditation. Extrêmement profonds de méditation. Alors, si vous pouvez avoir quelques petits gâtards dans votre maison, à droite et à gauche, ça serait super, hein. Et les toilettes, c'est un endroit parfait pour se détacher de la trop grande gourmandise. Je suis encore gourmande. Mais voilà. C'est ça que j'ai aimé tant hier. Oh, c'est vraiment plus rien. Ça marche très, très bien. Ça marche très, très bien. J'attends d'autres questions. Mon côté qui veut s'amuser toujours. Je retiens en tout cas pour les gâtas et je suis fort en demande de découvrir de nouveaux outils et je suis intrigué par ce que le mala que vous avez, vous avez parlé. Donc, alors ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Quand on le regarde de l'extérieur, hein, ça, bon, moi, ça ressemble à un bracelet, quoi. Et c'est le secret d'une paix intérieure très profonde. Quand je dis très profonde, très profonde. Très profonde parce qu'elle nous amène à un silence intérieur complet. Enfin, en ce qui me concerne, ça m'aide beaucoup. Et nous avons eu une réunion interreligieuse et il y avait un rabbin qui était là, qui avait aussi, mais alors c'est pas un mala comme ça, c'était comme un grand chapelet. Et il disait... Il a pris son chapelet par un grain et il l'a soulevé, il a dit « Une seule personne avance, tout le monde va au paradis. » Vous avez compris ? Oui. C'est ça le secret. Vous savez, « Gâté, gâté, paragâté, parasamgâté, bodhisvara. » Parti, parti. Parti jusqu'à l'autre rive. Parti tous ensemble jusqu'à l'autre rive. Alléluia! Et le gâta, ça, c'est ça. Et quand on l'utilise, il y a un petit truc là, une petite barbichette. En haut. On ne passe pas par-dessus. Il y a des règles, comme ça. Moi, je m'en sers comme ça. Je mets j'engage le pouce entre les deux grains, qui sont des graines, en fait. Hein. Alors, j'engage le pouce et j'expire. Je suis dans l'expiration. Donc, tant que j'expire, je lâche pas mon pouce de cet endroit-là. J'inspire et tout le long de mon inspiration, mon pouce glisse tout doucement sur ma petite graine. Là, elles sont grosses. Hein. J'expire et je repousse tout doucement la graine vers l'intérieur de ma main. J'inspire. J'expire. Et je le fais coordonner avec mon souffle. Hein. C'est-à-dire, je suis dans mon ventre en même temps. Et je sens quand j'inspire, ici, quand ça gonfle, alors ici, ça se lève. Hein. Et quand j'expire, alors ça descend. C'est pas difficile. Et quand j'arrive au bout, je le tourne sur lui-même pour ne pas sauter par-dessus et je repars dans l'autre sens. Et ça m'aide, par exemple, à garder une écoute profonde, complète, de quelqu'un qui est en train de me parler de choses terribles dans sa vie. Ça me permet d'être complètement attentive, tu vois, dans la concentration. Dans la concentration, dans la pleine conscience de mon souffle et du geste. Et ça, c'est comme un bloc qui me permet d'être l'observateur pleinement ouvert à tout ce que va dire la personne en face. Ici, il n'y a aucune parole, même pas j'inspire, j'expire. Il n'y a rien du tout et tout ce qui est dit entre profondément sans barrière, puisqu'il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de comparaison, il n'y a plus rien. Et ça pénètre pour permettre de comprendre, hein, d'accepter ce que dit la personne. Quel que soit ce que me dit, quelquefois j'entends des choses, mais oh mon Dieu. Mais il n'y a pas de oh mon Dieu. C'est juste le souffle tranquille, quoi. C'est juste le souffle tranquille. Et ça, c'est guérissant pour la personne qui parle. Parce qu'il y a, en plus, comme on est dans la respiration, il n'y a pas d'expression de visage qui fait « non, ça ressemble à blague, ça ne va pas du tout ». Non, pas du tout, il n'y a rien. C'est juste un accueil très profond, très beau, très puissant. Hein? Alors, pour les amis asiatiques, on ne prend jamais à l'envers, parce qu'en fait, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qui est beau, ce qui est joli. Pour moi, c'est très joli. Je les sors de l'enfer, comprenez ? Sortir ? Alors, je ne les remets pas dedans, quoi. Vous avez compris ? C'est une façon de s'exprimer, mais ça, à quoi ça sert ? Comme de ne pas sauter par-dessus ça. C'est développer la pleine conscience. C'est développer la présence. Puis tu te dis, oh ben non, est-ce que je l'ai passé, je ne l'ai pas passé. Alors on est encore plus présent. S'il y a des petits trucs comme ça, il va y avoir forcément plus d'attention. Tu ne vas pas les envoyer en enfer quand même, ces pauvres petits. Tu es en train de les sortir. Hein, tu essaies de les amener au paradis. Alors non, tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible. Tu comprends ? Donc ça, pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment mon outil pour le souffle. Parce que j'arrive pas si facilement que ça à suivre mon souffle toute la journée. Je vous l'avoue, j'y arrive pas tout le temps. Hein. Et pourtant, je suis entraînée depuis longtemps, mais c'est comme ça. Mais dès que j'ai ça, c'est comme un miracle. J'y arrive. Donc, tout à l'heure, en t'écoutant dans la voiture, même en parlant avec toi, j'avais mon petit mala. Dans la voiture avec Catherine, j'avais souvent mon petit mala. Quand je marche, on peut s'en servir quand on marche. Le souffle, hein, et même s'ils sont des petites graines, vous faites pareil. Hein. En fait, c'est grimper à l'inspire et descendre à l'expire. Donc, voilà, c'est tout simple, très facile. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à la... Non. C'est assez clair. Oui. Ouais. T'as pratiqué. Oui, c'est à pratiquer. Merci beaucoup. Merci. Une autre question, s'il vous plaît. On va peut-être donner un petit son de cloche. S'il te plaît, petite sœur. Doucement, ton rythme, personne ne s'occupe de toi. Tu joues tout seul avec le malin. Est-ce que vous avez d'autres... Oui, s'il vous plaît. Peut-être c'est bien de donner vos prénoms, ceux qui ont parlé jusqu'à présent, sauf toi, je ne connais pas, mais c'est bien de donner vos prénoms. Michel. Oui, Michel. En fait, c'est une question, on est un petit groupe... La Sangha des Pommiers, où on se réunit pour au départ pour les 14 entraînements, pour travailler les 14 entraînements entre nous, et puis pour... Peut-être un peu plus fort. Ah oui, pardon, excusez-moi. En fait, je disais que nous sommes un groupe où on se réunit pour au départ les 14 entraînements, et puis nous avons un peu listé des choses qui nous tenaient tous à cœur. Et... des questions un peu qu'on se posait, qu'on voulait vraiment travailler, des points. Et il y a un des points qui concernait, je dirais, et que tout le monde vraiment a dit ce point-là, c'est important pour chacune des personnes qui étaient dans ce petit groupe. Et la question, c'était justement entre la pratique, je dirais plus, je n'aime pas trop ce terme, mais je ne sais pas trop le dire autrement, formel, c'est-à-dire soit quand on est en assise ou bien quand on est dans la marche, ou bien quand on se concentre vraiment dans un exercice vraiment de pratique profonde, et les exercices justement de méditation de pleine conscience dans la vie courante. Et faire que parfois c'est difficile de continuer cette pratique que l'on a de bienveillance et de respect dans la pratique. Mais en fait, ma question, je trouve que vous venez déjà d'y répondre, sœur Elisabeth, par tout ce que vous venez de nous dire, avec, suite à la question ici. Voilà. Mais c'était un sujet qui était important, je vais dire, pour ces personnes de voir... Parfois, la difficulté qu'on a, on pratique bien de manière formelle, et quand on revient dans la vie, parfois même juste après qu'on vient de pratiquer, hop, on est reparti, comme vous disiez, parfois dans nos ornières. Alors, il y a des grandes ornières, il y a des petites ornières. Et c'était justement, comment faire pour justement arriver à passer de l'une à l'autre. Chers amis, je ne sais pas si c'était les pompiers ou si c'était une ambulance qui fait ce bruit-là chez vous, mais c'est vraiment inquiétant comme bruit pour moi. Je le vis comme ça, hein. J'étais inquiète. J'ai senti mon corps qui était inquiet. Quand j'entends passer les ambulances ou les pompiers, je prie toujours pour les personnes qui sont les conducteurs, ceux qui sont à l'intérieur et ceux qu'on va secourir. Ou le travail vers lequel vont ces pompiers ou ces infirmiers ou ces ambulanciers. Et j'envoie mon énergie toujours les mérites, je les envoie toujours en souhaitant que ces personnes soient protégées, que ces personnes soient que s'il y a quelqu'un qui meurt, par exemple, il puisse se libérer et atteindre l'éveil. Je souhaite toujours l'éveil quand j'entends ça. l'éveil aussi bien à la personne qui est au volant, il a intérêt, hein, pour nous et pour lui, et puis pour les gens qui sont dans la voiture, et puis pour toutes les personnes qui sont concernées par ce qui est en train de se passer. Et il se passe quelque chose. Donc ça, ça fait partie des choses qui sont, pour moi, ça rejoint ce que je voulais te dire tout à l'heure, dans la vie quotidienne, apporter la spiritualité dans la vie quotidienne. Par exemple, le matin, on a des gathas. Ces gathas, ce sont des trésors. J'espère que je ne dis pas de bêtises, parce que sinon je risque de tout perdre, ça n'irait pas du tout. Mais très, très, très, très, très souvent dans ma vie, je me réveille et je chante le gatha du réveil. Me réveillant ce matin, je souris au monde et puis j'essaye, quoi. J'ai 24 heures toutes nouvelles à vivre pleinement éveillée. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. J'ai la possibilité d'aller en enfer ou au paradis. Puis ça dépend de moi, enfin en partie. Je prends la vie comme elle se présente. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, je prends la vie comme elle se présente, avec ses surprises, hein, avec beaucoup d'amour et de compréhension. Avec beaucoup d'amour et de compréhension. Et quand vous ouvrez votre journée comme ça, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui change dans notre vie. Et si nous prenons l'habitude de le faire vraiment régulièrement, tous les jours. Moi, j'ai réveillé mes petits-enfants en rentrant dans la chambre et en leur chantant ça, hein, pour les réveiller, hein, le matin. Et puis, j'ouvrais les volets et chantais cette chanson. Et ils aiment bien, les enfants. Quand on s'assoit au bord du lit, avant de mettre les chaussures, on récite un gatha. Si par malheur je viens à blesser un petit animal, si petit soit-il, qu'il s'éveille. Hommage au Bouddha de la terre du grand bonheur. On cesse de vivre une vie aveugle, on commence à vivre une vie où il y a d'autres êtres que nous qui sont vivants autour de nous. Marcher sur terre, ça c'est la suite, hein, c'est ce que je récite tous les matins. Hein. Mais je ne les récite pas comme ça, je les vis. Marcher sur terre est un miracle, entre autres, je pense à Thaï en ce moment, qui ne peut pas marcher sur terre comme moi. Donc, marcher sur terre est un miracle, je fais le vœu de vivre d'une manière éveillée, c'est-à-dire avec la pleine conscience, la concentration et la sagesse. Vivre d'une manière éveillée et d'apporter la joie à tous les êtres. Alors on arrose des graines de bonheur, on arrose des graines de décision de prendre sa vie différemment, et tout doucement ça change, tout doucement ça change. Quand j'allume la lumière, je me rappellerai pleine conscience et lumière, oubli et ténèbres. Mais est-ce que c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Quand je suis dans l'oubli, je ne vois pas, je fais des bêtises, je dis n'importe quoi. Je fais des erreurs, quelquefois ils peuvent être difficiles à récupérer. Donc, et toute la journée comme ça, j'ouvre le robinet, l'eau descend de la montagne, elle jaillit de la terre miraculeusement, toujours fraîche. Je lui suis à tout jamais reconnaissant. Vous voyez ? Et on remplit sa journée de belles paroles comme ça. C'est extraordinaire, les gathas. Alors là, je suis en train d'essayer de vous convaincre, ça ne va pas du tout. C'est parce que c'est ma passion. C'est ce qui me permet de vivre une vie spirituelle. Une vie religieuse, on peut la vivre même si on n'est pas croyant et même si on n'est pas monastique, bien sûr. Et c'est très merveilleux. Quand on prend une douche, par exemple, je vais essayer de le retrouver dans l'ordre parce que je l'améliore de temps en temps, comme je change un petit peu, je regarde. Donc, on apprend à contempler notre corps, à se voir nu et à voir les avantages et les différences de l'âge, hein, n'est-ce pas? Ça n'a rien de triste, ça n'a rien de triste. Il dit, quand vous voyez vos rides, souriez et dites-vous, oh, le beau fruit qui est en train de pousser à l'intérieur de cette fleur. Et il ne dit pas qu'il se fane. Il est très gentil. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, voici ce corps, jamais né, jamais mort. Au-delà du temps et de l'espace, à la fois héritage et transmission, demeure dans la vraie nature du Dharma Dhatu. Ça fait 20 ans que je pratique ce gata chaque fois que je me baigne. Je me douche parce qu'il n'y a pas de bain chez nous. Oh mon Dieu, si vous saviez ce que ça me dit. Oh, si vous saviez ce que ça ouvre comme horizon. Si vous pouviez vous faire une idée de du message qui est à l'intérieur. Oh mon Dieu. Oui, non, je crois que ça suffit. Hein. Je veux pas vous faire vous mettre en difficulté. Je ne sais pas si je vous mets en difficulté avec ça. Mais vous savez, c'est extraordinaire. Après, vous prenez une orange, par exemple, une clémentine. C'est toujours là. On continue le même sujet. On prend une clémentine. On la regarde. Alors, d'accord, c'est une clémentine. On la regarde. Et avec cette pratique du regard profond dans le bain et tout ça, voilà ce qui me vient. Sa peau est identique à la mienne. Elle la protège complètement de la déshydratation et elle protège l'évaporation du sucre qui est à l'intérieur. Elle est épaisse, elle est souple, elle est résistante en même temps. Très semblable à la mienne. Elle a de la chair, absolument comme moi. Elle a de la chair, excepté que moi, je n'ai pas des petits grains apparents comme ça. Elle a de la peau intérieure des aponévroses qui séparent les je ne sais pas comment on dit. Les quartiers. C'est ça ? Merci. Les quartiers. Qui séparent les quartiers. À l'intérieur, il y a un liquide qui pourrait être comparé à mon sang, qui est du jus. D'accord ? Si je regarde attentivement, que je la regarde bien, bien attentivement en l'ouvrant, je vais découvrir que elle a un nombril en haut et qu'elle a, c'est vrai, et qu'elle a un cordon ombilical qui la relie à l'arbre et qu'à l'intérieur, il y a toutes ces veines qu'on enlève en général parce que c'est sec et qu'on ne voit pas qu'est-ce que c'est. Et à l'intérieur, il y a des noyaux dans le meilleur des cas. Parce que maintenant, on nous a supprimé les noyaux. Dans le meilleur des cas. Eh bien, vous savez ce que c'est ? C'est une capsule temporo-spatiale. Authentiquement. Elle transporte tous les gènes de ses ancêtres depuis l'aube des temps, de son temps, de sa manifestation, à travers le temps, puisque ça s'est fait de génération en génération, et à travers l'espace, parce qu'on ne mange pas les fruits sur l'arbre eux-mêmes. Et avec cette pratique, on peut répondre à la question du maître Zen, « Montre-moi ton visage d'avant ta naissance », qui est l'éveil. Alors, les gâtards, c'est super. Ça va ? J'ai suffisamment arrosé des graines de bonheur de pouvoir développer ça. N'hésitez pas. Prenez un ou deux gâtas, pas plus. Et puis pratiquez si vous avez envie. Regardez en profondeur. Allez vous promener au centre de la terre. Allez dans les nappes phréatiques. Allez écouter l'eau, goûter dans les nappes phréatiques. Passer, se filtrer à travers la terre. C'est extraordinaire. C'est ça la méditation. Hein. C'est ça la méditation. Et c'est ça qui peut libérer. Ça va ? Suffisant. Oui. Ça fait quelques mois que je suis dans une nouvelle relation avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Qui m'a beaucoup, c'est très chouette. Mais c'est une tradition très athée et très, qui est très déterminée dans son athéisme. Elle est française, je pense que c'est un athéisme qui est encore plus ancré en France que peut-être en Belgique. Et moi, je suis dans un chemin spirituel depuis quelque temps et qui est vraiment en train de prendre son essor pour l'instant, et ça m'emplit de vraiment beaucoup de joie et de beaucoup de profondeur, et ça donne beaucoup de sens en fait à ma vie. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment pouvoir partager avec elle. Pas pour la convaincre ou pas pour la convertir, c'est pas du tout ça, mais juste pouvoir le dire, pouvoir expliquer ce qui se passe en moi en fait. Et pour elle, ça lui fait très peur en fait. Ça évoque des églises froides d'après-midi de novembre avec des curés de mauvaise humeur. Une espèce d'hypocrisie comme ça, très forte. Et donc voilà, ça me chagrine très fort, parce que j'ai l'impression qu'en pratiquant ce chemin spirituel, je m'éloigne d'elle, et en même temps, j'ai l'impression de soit de me trahir en ne le faisant pas vraiment, soit en pratiquant vraiment avec tout mon cœur, de faire quelque chose auquel elle ne peut pas vraiment participer, parce que ça lui fait vraiment, vraiment peur. Je compatis. On ne peut pas tout partager. Aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, on ne peut pas tout partager. Thaï nous a donné un très bel exemple quand il était jeune. Est-ce que ma voix est assez forte ? Parce que de temps en temps, quand je rentre en moi trop, très fort, elle descend, diminue. Alors il faut me le dire. Hein. Un jour, notre maître était en train de faire du chant dans la pagode. Et il chantait, il invitait la cloche et il chantait avec tout son cœur un sutra en vietnamien. Et à un moment donné, il n'a plus tenu. C'était plus possible pour lui. Il y avait un durian qui était posé sur l'autel, une offrande, un durian. Non, il n'y a que ceux qui connaissent qui rient là en ce moment. Je vous promets qu'il n'y a que ceux qui connaissent qui sont en train de rire. Il faudra explorer le durian parce que vous comprendrez. Ça a une odeur telle que c'est interdit dans les avions, interdit dans les trains. Les gens ne peuvent pas... Quand on vous en achète un, vous ne pouvez pas monter dans un avion avec un bagage à main, avec un durian. Une fois, mes sœurs ont acheté un durian, elles l'avaient mis à la cave. Et moi, je suis arrivée au premier étage, j'ai ouvert la porte, j'ai fait « durian ». Elles m'ont dit « ça n'est pas possible, il est caché ». J'ai dit « mais je n'ai pas inventé, n'est-ce pas ? Il y en a un ». Bon, j'ai appris à le manger maintenant, je le mange avec plaisir. Donc, tout est faisable. Qu'est-ce qu'a fait Thaï ? Il a pris la cloche avec qui l'invitait, comme ça. Il a couvert le durian avec, pour pouvoir ne pas suffoquer. Et il a continué son chant. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Qu'est-ce qu'a dit Thaï ? Si vous m'aimez, s'il vous plaît, ne m'offrez pas du durian. Même si vous l'adorez. Est-ce que tu m'entends ? Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'il faut arrêter. Hein. Surtout pas. Surtout pas. Parce que toutes les qualités que ça va développer en toi, elles vont être témoins. Mais ne lui offre pas du durian. Pour toi, c'est un délice, ce durian, mais pour elle, c'est un durian. En plus, un durian, ça ressemble à une masse d'armes. avec des épines grosses comme ça. Il a la gentillesse de ne tomber que la nuit, donc il ne blesse personne en général. Mais sinon, il peut tuer un homme, parce que c'est gros comme ça et ça tombe de grands arbres. Si, si, c'est vrai. Mais ce n'est pas le cas du dharma. Le dharma, c'est quelque chose d'excellent, de délicieux. Mais qu'elle ait peur, c'est normal. Comment quelque chose comme le dharma peut-il attirer le cœur de celle que j'aime ? Comment peut-elle de temps en temps préférer s'asseoir en silence plutôt que de me regarder droit dans les yeux ? Non, mais ça ne va pas du tout, quoi. Et ce n'est pas comme une personne qui t'attire, comme une personne réelle qui t'attirerait à l'extérieur. Une personne, bon, elle dirait, bon, vous plaisantez, ne vous représentez plus à la maison, c'est terminé. Mais là, le dharma, c'est insaisissable. Alors, par amour pour elle, ce que tu peux faire, c'est essayer de ne pas lui en parler, ne pas essayer de lui offrir du durian. Au moment où tu veux lui offrir ton durian, tu souris. Mais tu lui offres ta vraie présence. Tout à l'heure, certains d'entre vous ont dû être choqués, peut-être surpris au moins, de me voir poser à côté du Bouddha. Et j'ai dit tout à l'heure à Laurent, ne prenez pas des photos de nous comme ça, au hasard, demandez-nous une photo. Parce qu'on va devenir pleinement présent et on va vous offrir notre vraie présence. Et sur cette photo, quand vous regarderez la photo, vous rencontrerez la vraie présence, pas une photo volée au hasard, vous comprenez ? Tu comprends ? Donc, offre-lui ta vraie présence, ta pleine présence. Et tu ne lui parles pas du dharma, tu le vis, tu continues à le vivre, tu ne t'en éloignes pas. Tu sais, dans beaucoup de pays, en France entre autres, et dans beaucoup de pays, on a essayé de détruire la spiritualité. C'est impossible. On ne peut pas tuer l'esprit. On peut couper les têtes de ceux qui transportent l'esprit, mais l'esprit, il est là. Donc, ça ne sert à rien. Tu comprends ? Donc, on ne peut pas le perdre. Si on le cultive, on ne peut pas le perdre. Ce qu'il faut, c'est retourner à soi-même. J'ai vécu ça. Je sais de quoi tu parles. Retourner à soi-même et trouver l'amour total dans notre cœur. Et quand le cœur est vraiment ouvert, l'amour est complètement là, cet amour, c'est pas pour nous tout seuls. C'est un don aussi pour elle. Mais sans lui dire, c'est du durian. Ça va t'aider, tu vas voir. Tu comprends ? Et respecter complètement ce qu'elle pense. Pas essayer de la détourner de ce qu'elle croit. Et un jour, elle verra que la spiritualité, c'est un trésor qui vit à ses côtés. Et elle n'aura plus peur. Elle a peut-être peur qu'un jour, tu partes et tu deviennes moniale ou je ne sais pas quoi. Oui, mais je pense qu'il y a un élément de ça. Bah, c'est évident. Tu comprends ? Donc, la rassurer. Mais pas lui parler de ne pas être moniale. La rassurer par ta présence, là, ici et maintenant, près d'elle. Par ton attention à ce qu'elle est, ses besoins. Mais pas lui offrir de durian. Hein. Ok ? Promis ? Et tu vas aller bien, tu vas voir. Hein. Il y a déjà des belles fleurs dans ce jardin. avant les dents, on laisse de l'eau qui coule de début jusqu'à la fin. Et parfois, j'ai essayé de parler à la mamie, et mère pour lui dire, s'il te plaît, prochaine fois, est-ce qu'il a le verre à côté, est-ce que tu peux remplir d'eau et utiliser de l'eau dans le verre pour ne pas trop utiliser trop d'eau. Et on ne m'a pas dit non, on dit que oui. Mais pendant toute une semaine comme ça, ça vous bête. Et puis on oublie les lumières. Et on ne tire pas non plus, on jette tout dans le même boubène et après je dois fouiller pour retirer. Et on va graver un peu comme je suis venue d'une autre planète. Et si je dis ça, on dit que mais quand tout va bien, pourquoi tu mets toujours les bâtons dans le roux? Et là, je suis... C'est pas mal. Voilà, donc... après, je dis que mais est-ce que on laisse les gens vivre comme ils peuvent, malgré... des fois avec beaucoup de douceur et la compassion pour dire aux autres que voilà, il vaut mieux de faire si c'est ça, mais si les autres ne peuvent pas entendre, qu'est-ce qu'on peut faire? Petite sœur, nous sommes au printemps, n'est-ce pas? Est-ce que tu as vu des pommes sur les pommiers ou est-ce que tu vois des fleurs sur les pommiers en ce moment? Est-ce que tu comprends ma question? Non, pas sûr. Alors, tu as un jardin? Non. Tu n'as pas de jardin. Toutes les fleurs ne fleurissent pas en même temps. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Dans ce domaine-là, tu es beaucoup plus éveillé que les autres. Tu me comprends? C'est-à-dire, tu prends soin de maman terre. Tu es consciente du manque de l'eau. Tu es consciente des erreurs que nous faisons quotidiennement. Mais nous trouvons ça normal parce qu'on vit dans un monde d'abondance. On vit comme des princes, des princesses, comme des dieux, des déesses ici. Ici, c'est une terre de dieux et de déesses sur ce côté de la planète. Hein. Vraiment. D'ailleurs, on voit des esprits affamés maintenant envahir parce qu'ils cherchent ce que nous possédons. Possédons qu'on n'a jamais possédé, mais bon, voilà. Donc, dans ce domaine-là, toi, tu es beaucoup plus éveillé. Est-ce que tu me comprends? Il faut l'accepter. Oui, tu peux accepter ça. Tu es beaucoup plus éveillé que ces personnes-là. Ça va pour toi? Parce que ça, c'est difficile hein, d'entendre ça. Mais dans d'autres domaines, peut-être moins que eux. Tu me comprends? C'est la vie. Je crois beaucoup à la valeur de l'exemple. Est-ce que tu me comprends? L'exemple, ta façon de vivre, pose question. Ça remet en question l'attitude des autres. Tu me comprends? On ne peut pas changer les autres. Là, je suis en train de... Ouh là là, mon Dieu. On ne peut pas changer les autres. C'est impossible. La seule personne que l'on puisse changer, c'est soi-même. Vouloir changer les autres, c'est perte d'énergie inutile et de beaucoup de souffrances. Mais si on se change soi-même, est-ce que tu me comprends toujours, ça va? Si on se change soi-même, ça va avoir un effet réel sur les autres personnes. Alors, tu peux réciter à haute voix, quand les personnes sont là, tu te laves les mains, tu allumes, tu ouvres le robinet, tu te mouilles les mains un peu, tu éteins, tu mets du savon et tu dis « Je protège notre mère, la terre ». Mais c'est le gata, quoi. « Je protège notre mère, la terre. Petite mère terre, je ne dépense pas ton eau. » Puis voilà, maintenant j'ai besoin de toi, ton eau. Merci, petite eau, de me rincer les mains. Vite, je te ferme parce que tu es si précieuse. C'est tout. Ah, ils vont être blancs, tu vas voir. Ils vont pas savoir ce qui se passe. Tu me comprends? Tu ouvres la poubelle. Oh, mes pauvres petits amours, vous avez été jetés. Oh, mais c'est trop triste. Venez, je vais vous mettre de côté. On va faire des fleurs superbes avec vous. Alors, ils vont comprendre. Ils vont s'éveiller. Sauf si tu leur dis, hein, vous avez vu comme je fais bien, non, ça, non, pas question, d'accord? Est-ce que tu me comprends? C'est clair pour toi? Oui, c'est clair, mais le problème est qu'on n'est pas dans le même endroit, à même temps. Ah. Et puis, j'ai mis même la latin juste à côté. Mais on n'y est pas. Donc, à la fin, je dis que voilà, je ne peux pas changer les gens, voilà. Je peux changer moi-même. Donc, voilà. J'essaie d'accepter d'entendre l'eau qui coule pour rien. Développe ta compassion quand c'est comme ça. Oui. Comme ça, il n'y aura pas de colère. Non, je n'ai pas de colère. Voilà. Mais j'aimerais demander, est-ce qu'il y a d'autres moyens que accepter comme ça. S'arrêter, respirer. Se concentrer sur son souffle. D'accord? C'est une vraie pratique. Hein. Se concentrer sur son souffle. Écouter l'eau qui coule. En sachant qu'elle est perdue. Voilà. Et que c'est la raison pour laquelle notre mère, la terre, souffre tellement. Donc tu lui envoies ta compassion à la maman terre et à l'eau. Donc ça t'occupe pendant ce temps-là. Tu comprends? Il faut trouver un moyen pour que la guerre cesse. Il y a la guerre, là. Je l'ai vu. Il y a la guerre. Alors je ne sais pas si c'est avec le bien-aimé, si c'est à l'école ou je ne sais pas où, quel endroit ça se passe, mais moi je vois la guerre. Donc, s'il te plaît, développe seulement la compassion. Compassion pour maman terre et pour la personne qui ne sait pas encore, qui ne connaît pas encore un éveil suffisant pour pouvoir le faire vraiment, correctement. Ça va pour toi? C'est beaucoup de patience, hein? Merci beaucoup, petite sœur. Ah, 2, 3, 4, 18. D'un coup. Merci. Je pense que je rebondis sur ce que vous avez déjà dit par rapport au gata, par rapport à... et moi, ma question, c'est par rapport à l'agressivité, à la violence. Je prends souvent le métro, par exemple, aux mesures de pointe, des choses comme ça. Et c'est très suffocant et parfois, on sort plutôt lessivé qu'autre chose et avec qu'à plus trop aimer son prochain, quoi. Et voilà, une répa, un gata. Mais bien sûr que oui, bien sûr. Bien sûr. C'est le gata de la compassion. Qu'est-ce qu'ils ont vécu toute la journée, ces pauvres gens? Qu'est-ce qu'ils vivent à la maison? Ils partent très tôt le matin, ils travaillent, ils s'éreintent pour s'acheter des belles des voitures, des maisons, ou survivre, hein, ou simplement survivre. Ils rentrent à la maison, il y a des petits partout. Il faut prendre soin de tout. Ils sont épuisés. Ils n'ont... Vous savez, on est tellement dans une course au bien, au bien-être, et au... qu'on ne sait plus vivre. Ben, il faut les prendre sur votre cœur. Il faut les embrasser, chacun. Là. Garde le sourire. Garde le sourire. Mais oui, toi, mon petit. Toi, voilà. Toi, mon chéri, toi, mon enfant, qui a l'air si en colère. Qu'est-ce que tu viens de vivre, quoi? C'est terrible, ta vie. Ben, écoute, je te prendrai bien dans mes bras, dans mon cœur. On a des jeunes. Ils font partie de Wake Up. Il y a des Wake Up ici? Oui? Wake Up? Zex. Zex? Alors, peu importe, il y a des wake-up seniors. Des wake-up seniors. Bon. Il faut que je retrouve la raison pour laquelle je vous ai parlé de wake-up, j'ai oublié. Oui, il y en a un qui a un instrument qu'on appelle comme une petite guitare toute petite là comme ça, balala. Ukulélé. Et ben vous savez ce qu'il fait dans le métro, il s'installe, il regarde les gens bien comme ça et il commence à leur chanter des chansons sans demander d'argent. Les gens sont stupéfaits, ils se mettent autour, ils commencent à chanter. Il y en a un autre, il a un ça fait un bruit pas possible. Un digériton. Oui. Et ben il fait ça dans le métro aussi. Il emporte ça pour rendre les gens heureux. Ils ont décidé de changer le monde. Les jeunes ont décidé de changer le monde. Alors ils sont prêts à faire des choses extraordinaires. Alors il faut leur sourire. Dès que vous rencontrez le regard d'une personne, vous regardez avec tendresse. Vous lui faites un beau sourire, puis si vous faites une grimace, c'est qu'il n'a pas compris le sourire. On va au suivant. Vous comprenez? Ils souffrent. C'est pour ça qu'ils sont en colère. Ils souffrent. Ils réalisent pas que. Et moi, ça m'arrive d'être en colère aussi. Je sais pas. On souffre. Mais hein. il faut se donner la possibilité de vivre des moments très beaux. Alors, si vous ouvrez votre cœur. Dans le métro, vous allez voir autour de vous, métro ou transport, vous allez voir autour de vous, ça va changer. Je vous ai raconté un jour, pour certains d'entre vous, ce qui s'était passé dans le téléphérique. Vous ne l'avez pas entendu? Non. Vous n'étiez pas là? Bon, en gros, rapidos. J'aime bien utiliser les mots que j'utilisais quand j'étais jeune, ça me donne beaucoup de bonheur. Alors pardonnez-moi, voilà. Donc rapidement, nous avons pris un téléphérique à 5 heures du soir pour descendre de l'aiguille du Midi et la personne, le jeune qui nous a ouvert la porte et qui nous a fait rentrer, a compté le nombre de personnes et probablement pas réalisé le nombre de sacs énormes plein d'outils et de je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'ils peuvent bien transporter sur leur dos pour monter jusqu'à l'aiguille du Midi et vouloir descendre avec le téléphérique. Et quand on a fermé les portes, dès que c'est fermé, ça part. Mais c'est que c'était dangereux, c'était réellement dangereux. On était extrêmement nombreux, c'était extrêmement lourd. Et surtout, les gens ont paniqué. Là, j'ai vraiment vu ce que c'était que de voir la mort immédiate dans leur regard et la terreur que ça provoquait chez eux. Comme ça, alors quand vous faites ça dans un téléphérique qui est au-dessus du vide, et ben, j'ai chanté Avalokita. J'ai évoqué le nom d'Avalokita. Et j'ai chanté à mi-voix, pas chanté fort. J'ai commencé comme ça. Avalokita Shvara Aya. Les deux petites sœurs qui étaient en face de moi m'ont regardée. On s'est dit, on va peut-être mourir tout de suite. Ben, c'est OK. Que ce soit maintenant ou plus tard. Tout va bien. Alors, on respire. On se prépare à partir tranquille. toutes les trois. Elles étaient jeunes, deux jeunes, belles comme tout. Oh, voilà. Il y avait Joël Grosjean qui était aussi là. Et au bout de, je ne sais pas, peut-être, j'ai chanté peut-être sept fois, avec le guitare évoqué sept fois, les trois, comme ça, sept fois. Ils étaient complètement arrêtés, alors qu'ils étaient en train de dire, mais si on arrive en bas, vous allez voir, je vais vous traîner au tribunal pour avoir fait laisser monter tant que... Pauvre gosse, quoi, il allait mourir avec nous, puis il était en plus en train de se faire gronder comme c'était pas possible, c'est pas normal. Et il paraît, d'après ce que m'a dit Joël Grandjean m'a dit, le monsieur qui était toujours en train de lui dire, ah oui, mais je vous traînerai au tribunal, il est... Quand il a, j'ai pas fini de chanter, j'ai chanté tout le long du trajet, hein. Pas très long, ça va, puis j'aime bien. Il a dit à sa femme, tu as vu comme c'est beau là, le spectacle, on voit le sommet des... La spiritualité, je vous donne la parole que c'est vrai, la spiritualité a des capacités énormes, parce que c'est juste de l'amour, c'est rien d'autre. C'est juste de l'amour. Et demain, je ne parlerai que d'amour. Toute la journée, oh là là. Ça va comme ça? Juste ça. Hein? Et vous prenez chaque personne comme si c'était votre enfant le plus chéri. Pauvre petit Mimi, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre petit Mimi? Vous comprenez? Vous avez changé de visage. Je vous remercie beaucoup. Il nous reste 10 minutes oui. Encore. Alors, il y avait plein de mains. Oui, si vous voulez, oui, bien sûr. Mais je voulais juste partager ceci. Vous parliez tout à l'heure de ce merveilleux gâteau. Mais voyons, ce matin, je souris au monde. Et j'en connaissais une autre version, jusque ce que je voulais entendre dire sous cette version-là, à une retraite à Biot. Et en fait, je vais noter sur une petite fiche qui se trouve devant la porte qui donne sur le balcon de ma terrasse, qui donne à l'est. Et très souvent le matin, je le lis et j'en profite souvent pour sortir sur le balcon pour regarder par la fenêtre. Et j'ai la chance d'habiter assez haut et j'ai un énorme ciel devant moi et quelques arbres. Et c'est un vrai bonheur et ça colore. Effectivement, toute ma journée. Donc je voulais partager ça et dire merci parce que c'est une des choses parmi les nombreuses que j'ai reçues de vous, des pruniers, des sanghas. Merci. Il y a des supporters. certains, je voulais d'abord remercier parce que j'ai l'impression que cet enseignement, je le reçois comme une ondée de joie. C'est grand gratitude. Et alors, oui, de demander peut-être un éclairage sur... Il me semble qu'au fur et à mesure que j'essaie de pratiquer humblement chaque jour, j'ai l'impression d'être rappelé à mes racines chrétiennes. et j'en suis étonné. Je me surprends maintenant presque chaque jour à ouvrir la Bible quelque part, à lire quelques lignes refermées. Je sais qu'un de mes livres de chevet, c'est le livre d'Arnaud Desjardins, en relisant les évangiles. Et donc, oui, j'aimerais, comme je ne sais pas être là demain, où je pense qu'il est quelque part aussi question de cet étonnement de bouddhiste et chrétien en soi, d'avoir un éclairage sur qu'est-ce qui arrive, quoi. Lorsque j'ai rencontré Thaï la première fois, bon, c'est un moine, rien d'extraordinaire, quand il a pris le papier, qu'il a dit « Dans cette feuille de papier, il y a l'univers tout entier, le soleil, la terre, les astres. » Il a décrit. Je l'ai regardé, j'ai fait « Ça, c'est mon maître. Je viens de retrouver François d'Assise. » J'ai retrouvé François d'Assise vivant sur cette terre. C'est pour ça que je suis moniale chez lui. Hein. Ça, y a pas, pour moi, il n'y a pas de doute. Hein. Je ne m'appelle pas Claire d'Assise, mais... J'ai un amour profond pour François, Saint-François, et pour Claire. Quand j'ai voulu devenir moniale, je suis allée voir Thaï, je lui ai dit, d'accord, je veux être moniale. Je le connais depuis plus de 30 ans, Thaï, hein, notre maître. Je lui ai dit, je veux être moniale. Mais je ne veux pas quitter Jésus. Est-ce que c'est possible? Bouddhiste? Et aimer Jésus et Bouddha, mais... C'est de la fidélité ou quoi? Et Thaï m'a dit, il m'a répondu très simplement, il m'a dit, voilà, il y a un arbre qui a 2600 ans, qui est magnifique, qui a des racines extrêmement profondes, qui a un tronc superbe, bien élevé avec des branches très vastes, qui porte des feuilles, des fruits et des fleurs depuis son début. Et c'est l'arbre du Bouddha. Maintenant, à côté, il y a un arbre qui a 2000 ans, c'était en 99. C'est un arbre qui a 2000 ans, qui a des racines magnifiques, très profondes, un tronc très solide, des branches très vastes, et qui porte des feuilles, des fleurs et des fruits depuis 2000 ans. Et maintenant, sœur Elisabeth, j'étais laïque, il m'a toujours appelé, et sœur Chancon m'ont toujours appelé sœur Elisabeth, depuis le début. Ils avaient des vues, hein. Il m'a dit, maintenant, vous allez prendre... Imaginez que vous disiez, je veux devenir bouddhiste, donc je quitte l'arbre de Jésus. Alors, vous allez l'abattre, hein, puisque vous n'en avez pas besoin. Et puis, là-dedans, parce que c'est quand même vos racines, vous allez prendre une toute petite branche de l'arbre du Bouddha et vous allez le planter au milieu, est-ce que vous allez avoir un arbre? Est-ce que ça répond? Voilà. Quand il y a des chrétiens qui viennent vers moi, je leur dis osez. Des chrétiens engagés, des vrais chrétiens, enfin vrais dans le sens, je veux dire, croyants, pratiquants, etc. Je leur dis, vous allez aller taper aux portes des monastères, respectueusement. Et vous allez leur dire, vous avez des trésors que vous gardez que pour les moines moniales, parce que depuis fort longtemps, ils ont été tellement martyrisés. Qu'il y a des tas de choses qui sont secrètes et délicieuses dans tous les monastères et qui sont bien équivalentes à la beauté de Thaï, de ce que Thaï enseigne et de ce que le Bouddha enseigne. Vous comprenez? Et quand j'entends dire ça frétille dans mes racines, je suis enchantée. Quand je suis allée me faire ordonner, j'avais dit à la petite Claire. J'avais dit à la petite Thérèse, hein, vous connaissez la petite Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux. J'avais dit à la petite Thérèse, je lui avais dit, tu viens avec moi, je la vois pas, hein, c'est juste un jeu. Ok. Mais dans mon cœur, il y avait cette réalité. Tiens-moi la main, je vais devenir moniale bouddhiste, mais comme je ne quitte pas Jésus. Tu viens avec moi, quand on me coupera les cheveux, tu seras là, parce que avant de mourir, tu as dit ceci. Mes sœurs, je vais mourir, je vais respirer avec le son. Mes sœurs, je vais mourir, je vais rencontrer Jésus, je vais rencontrer mon amour, je vais aller le voir. Mais je vais lui demander de passer mon ciel sur terre tant qu'il y aura une âme qui souffre. Mais ça, c'est du Bodhisattva, c'est le vœu du Bodhisattva. Alors je lui ai dit, maintenant, moi j'y vais, tu y es déjà allé, on y va ensemble. Et je l'ai dit à Thaï, hein. J'ai invité la petite Thérèse, elle était avec moi, pendant qu'on vous étiez en train de me couper les... Voilà. Voilà. Il y a des trésors. Il y a des trésors. Quatre petites cuillères posées devant vous. Une petite cuillère, ça s'appelle comment en français ? Une petite cuillère. Comment ça s'appelle en anglais ? Comment ça s'appelle en espagnol ? Cuchara. Comment ça s'appelle en flamand ? Et vous savez quoi ? Ils se battent pour un nom. Qui a compris ? Alors, s'il vous plaît, quand l'amour se présente, de quelque manière qu'il soit habillé, c'est l'amour. Si c'est le vrai amour, hein, l'amour ultime, hein, pas le désir. Hein, je parle de l'amour. Quand il se présente, on peut le reconnaître. Il est unique, quel que soit le visage qu'il prend. Qu'il soit un visage musulman, de la religion musulmane, je veux dire. Que ce soit la religion juive. Que ce soit l'absence de religion. Le soi-disant laïcité totale. Mais c'est pas, ça n'existe pas. La spiritualité, elle est universelle. Ce sont juste des petites cuillères appelées différemment, quoi. C'est tout. Et puis maintenant, imaginez un grand océan tellement vaste qu'il couvre l'univers tout entier. Et nous sommes là avec nos dés à coudre. Alors moi, j'en aurais certainement choisi un en bois. Un bois nature. Et puis peut-être ici, ça serait en diamant. Peut-être ici, ça serait en perle fine. Peut-être ici, ça serait couvert de rubis. Je ne sais pas. Et nous puisons à l'intérieur de cet océan. Et c'est lui, hein, l'océan. Et il n'y a que moi qui le détient. Hein. Ça suffit quand même. Les guerres de religion, mais c'est rien, quoi. Il faut qu'on arrête, vous savez, on détruit la vie, la planète, on détruit beaucoup de choses. Donc, s'il vous plaît, liberté, amusez-vous avec les évangiles, allez rencontrer Jésus partout où il est, et dans le clochard, rencontrez-le, et dans le petit enfant qui est handicapé, rencontrez-le, hein. Et dans celui qui migre, en cherchant mais en vain un abri, rencontrez-le. Et dans la bien-aimée, s'il y en a une, rencontrez-le. Parce qu'il est partout, il est en tout le monde. Hein. Et dans la tradition bouddhiste aussi. On dit dans la tradition chrétienne, Dieu est en toute chose. Dieu est en toute chose. Et dans la tradition bouddhiste, on dit l'esprit du Bouddha, c'est-à-dire l'esprit d'amour, est en toute chose. Ça va? Et faites de la pratique du bonheur et de la joie. Ne vous embêtez pas à pratiquer. Si vous vous embêtez, ce n'est pas la pratique. Il est moins le cas, je crois que... Voilà. Comme demain, j'ai une journée entière, ce serait peut-être bien que... Voilà. Est-ce que vous avez reçu assez de bains d'amour? C'était bon? On a bien plongé? Merci de m'avoir baigné. Alors ? Merci. C'était comment ? C'est très efficace. Tu dis ça pour faire plaisir ? Non, en fait, c'est quelque chose qui est un grand révélateur sur la... S'il vous plaît. Mais c'est vraiment l'indicateur de notre présence et c'est quelque chose qui ne peut pas tricher ou... À chaque fois, il y a le corps qui nous témoigne de notre état d'esprit, de notre concentration. C'est quelque chose vraiment... Bien fait. C'était pas pour essayer convaincue. De vous convaincre. Hein. C'est parce qu'il avait envie de savoir que je lui ai prêté le mien. Il n'y en avait pas d'autre. Yes. Bon. Nous allons bientôt nous séparer. Donc un grand, grand merci pour votre présence ce soir. Continuez à transporter l'amour partout où vous allez. Soyons des petites lucioles. C'est mignon, les petites lucioles. Soyons des petites lucioles ou ce que vous avez envie d'être. soyons des abeilles, butinons le miel du Dharma, et puis faisons du bon miel chez nous-mêmes, chez nous et puis pour tous les êtres, de façon à ce que notre planète continue à être une belle planète et qu'elle devienne de plus en plus belle. D'accord ? Merci beaucoup d'être présents, chers amis. Merci. Tu peux inviter la cloche, petite sœur, c'est bon.